Alors, je voudrais dire quelques mots d'introduction pour savoir à qui vous avez affaire, puisqu'au fond, vous ne le savez pas forcément. Donc, je voudrais d'abord commencer par des remerciements que j'adresse tout particulièrement aux conférenciers et conférencières qui ont pris du temps un samedi pour venir exposer des thèmes qui sont en relation avec une question de concours CAPES Agrégation en histoire contemporaine. Et vous remercier à vous d'être venus aussi nombreux, ce qui semble démontrer qu'il y avait une demande. Donc j'espère qu'elle sera satisfaite. C'est un moyen de mettre pression sur nos conférencières. Nous sommes, en tant qu'organisateurs, l'Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Juste un mot, appelez ça de la propagande si vous voulez. Moi, je dirais de la présentation. Donc, nous sommes une association qui regroupe, comme son nom l'indique, les historiens contemporanistes qui travaillent globalement, généralement, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Nous visons un petit peu à fédérer ses collègues, à agir comme une force de proposition. Nous agissons souvent en partenariat avec des collègues d'associations sœurs. Il faut savoir que nos collègues antiquisants, médiévistes, modernistes, eux aussi, ont leur association professionnelle. Et par exemple, pour vous donner une idée, nous participons assez régulièrement à des réunions avec les présidents des jurys de concours, du CAPES et de l'agrégation, pour voir avec eux précisément comment faire pour améliorer le fonctionnement de ces jurys qui sont, à nos yeux en tout cas, extrêmement importants. Je vous recommande vivement d'aller voir sur le site de notre association et tout ce que nous vous offrons. Alors, il y a tout un ensemble d'informations professionnelles, il y a également un annuaire électronique qui est en train d'être finalisé, un suivi des postes qui sont mis au concours, des résultats des élections, il y a également un suivi des thèses qui sont soutenues, et nous mettons en ligne les textes également des conférences qui sont prononcées lors des deux journées d'études, comme celle-ci, ce sera également le cas. Nous organisons également des enquêtes, par exemple sur l'organisation du master enseignement dans les universités françaises. Et nous nous impliquons plus généralement dans tous les débats qui concernent la communauté des contemporanéistes, voire plus globalement le fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Enfin, un dernier point, nous venons de créer un prix qui vise à récompenser un article d'histoire contemporaine publié dans une revue et qui sera décerné pour la première fois lors de notre Assemblée Générale qui aura lieu le 17 janvier prochain. Donc, si par hasard ou volontairement vous alliez sur le site de notre association, vous y découvririez même les modalités d'adhésion. Donc, surtout, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, d'autant plus qu'il y a évidemment des tarifs spéciaux pour les étudiants dont on sait qu'ils sont peu fortunés. Voilà. Il me reste à remercier encore deux personnes. La première, c'est Jean-Noël Lu, qui est notre référent, si je peux m'exprimer ainsi, dans cette université de Paris-Sorbonne et grâce à qui nous avons pu avoir cet amphithéâtre, et à remercier plus particulièrement la personne qui est tout au bout de cette table, qui s'appelle Clément Thibault, qui est le secrétaire général de cette association et qui a, disons-le avec gratitude, beaucoup œuvré pour la réussite de cette journée. Voilà, je passe tout de suite la parole à la première conférencière, donc Leila Hydakli, qui est donc au CNRS et qui présente une communication dont le titre est « L'histoire du Moyen-Orient, 1876-1948, une histoire comme les autres, renouvellement historiographique », et il doit y avoir même une suite du titre que je n'ai pas sur ma feuille, et « Attention aux sources ». Nous sommes dans des configurations de 45 minutes, je crois qu'il est prévu après, Clément, si je ne dis pas d'erreur, qu'il y a un petit temps qui est prévu pour des questions. Donc, si tel est le cas, n'hésitez pas. Après chaque conférence.